Du jamais vu chez Delbault Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delvaux Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. Un livre qui vient de sortir aux éditions Tubbies, c'est l'été 1946, où on raconte l'histoire de Jackie Robinson à Montréal. Un livre très, très intéressant, et on va parler avec l'auteur Marcel Ducas pour parler un peu du livre. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le livre? Bon après-midi, M. Ducas. Bonjour à vous. M. Ducas, d'abord, où est venue l'idée d'écrire un livre sur Jackie Robinson? Ben, l'idée est venue du fait que la saison 1946 qu'a disputé Jackie Robinson avec les Royaux de Montréal, c'est pas juste une saison de baseball ordinaire. Ça a vraiment révolutionné le monde du baseball, sinon le monde du sport nord-américain en entier, parce que il faut se dire que depuis les années 1880, le monde du baseball est divisé en deux. Ouais. D'un côté, il y a le baseball des Blancs, on appelle ça le baseball organisé, donc les ligues majeures et toutes les ligues qui permettent d'y accéder. Et de l'autre côté, il y a les Noirs qui jouent au baseball, qui s'arrangent comme ils peuvent. Là, c'était pas vraiment important là, pour les grands boss du baseball. Il a fallu attendre 1946 pour que finalement, il y ait une équipe des ligues majeures, les Dodgers de Brooklyn, qui se décide à engager un Afro-Américain, Jackie Robinson, et il l'envoie jouer à Montréal. Et pendant cette petite saison-là de 1946, on va détruire tous les arguments qui étaient utilisés depuis 60 ans pour justifier la division du baseball, les Blancs d'un côté et les Noirs de l'autre. Et il a ouvert les portes du baseball, non seulement aux Afro-Américains, mais aux Noirs d'Amérique latine aussi. Donc, c'est vraiment une saison qui a changé le paysage du sport en Amérique du Nord. Il faut dire aussi à l'époque qu'il y avait la Ligue des Noirs, ce qu'on appelait les Negro Leagues, et également le baseball blanc aussi. Là. Tout à fait. Tout à fait. Mais par contre, il faut dire que c'était pas au même niveau. Il y avait quelques joueurs dans les Negro Leagues, comme par exemple Satchel Paige, qui faisait un très bon salaire. Mais en général, les conditions de vie dans les Negro Leagues étaient difficiles. Les salaires étaient pas très bons. Et il y a beaucoup de joueurs qui n'avaient pas accès à ces ligues-là. Et faisaient partie des équipes itinérantes qui se promenaient de ville en ville pour essayer de gagner leur vie en jouant au baseball, qui auraient pu s'en tirer beaucoup mieux s'ils avaient eu accès au baseball organisé, donc où jouaient les Blancs. OK. Dites-moi, comment Jackie Robinson à Montréal avait été reçu? Il est accueilli vraiment comme un roi. Il a été traité magnifiquement bien. Dès son premier match à Montréal, il est le joueur le plus applaudi des Royaux. Il va même être plus applaudi que le joueur d'arrêt-court de l'équipe qui s'appelait Stan Briard, qui était un Montréalais. Donc, on l'a pas vu jouer encore. Il est déjà plus populaire que le petit gars de la place. Même son épouse, Rachel Robinson, est entourée de fans à la fin du match qui veulent son autographe à elle. Et les partisans vraiment vont le supporter là inconditionnellement tout le long de la saison jusqu'au dernier match où on voit cette scène extraordinaire-là où il y a des centaines et des centaines d'amateurs montréalais qui vont littéralement là courir après Jackie Robinson dans les rues de Montréal, trois coins de rue de long. Les gens voulaient lui toucher, voulaient lui serrer la main. Littéralement, ils ne voulaient pas le laisser partir. Ils savaient que c'était probablement son dernier match qui serait dans les majeures l'année prochaine. Ils ne veulent pas le laisser partir. Jackie Robinson a un avion à prendre. Et il doit sauver de la foule qu'il pourchasse, mais qu'il pourchasse par amour. Donc, vraiment, c'est un coup de foudre entre une ville et un athlète, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. La famille Robinson, on est rendu maintenant, ce sont les petits-enfants de Jackie Robinson qui viennent à Montréal et qui vantent les mérites de l'accueil que Jackie et Rachel ont reçu. Encore aujourd'hui, c'est quand même assez surprenant. Là, pourtant, c'est passé un an. Là. Dites-moi, est-ce que Jackie c'était l'aspect curiosité qui faisait que Jackie Robinson était extrêmement populaire? Ou c'était l'aspect c'était tout un joueur de baseball, ou c'était les deux? Ben, Je pense que les Montréalais ont vu, parce qu'ils ont eu le compte-rendu d'à quel point ça avait été difficile pendant le camp d'entraînement. Le camp d'entraînement se passe en Floride, où là, c'est vraiment un peu l'enfer pour les Noirs là-bas. Ouais. Sa sécurité est mise en danger dans la deuxième journée du camp d'entraînement. Il y a des matchs annulés à cause de sa présence. Les gens lisent ça, ils voient tout ce qu'il a eu à affronter, et les Montréalais l'ont adopté, d'une certaine manière. Ils ont dit, on va le défendre quand il y avait des joueurs de l'autre équipe qu'il rudoyait sur le terrain quand les lanceurs le visaient, il se faisait huer par la foule à Montréal. Et aussi, ben, l'autre facteur, c'est qu'il a été champion frappeur de la Ligue. Les Royaux ont gagné le championnat de la saison régulière, le championnat des séries, la petite série mondiale qui était le titre de meilleure équipe des ligues mineures de tout le baseball nord-américain. Donc évidemment, si Jackie Robinson avait frappé pour 150 cette année-là, personne ne peut savoir si les Montréalais l'auraient aimé autant. Mais là, toutes les conditions étaient réunies. C'était une bonne cause. C'était une saison historique. Et en plus, c'est le meilleur joueur d'une équipe championne. Donc, il n'y avait pas de raison de ne pas l'aimer, si vous voulez. Il y avait l'aspect de la Deuxième Guerre mondiale aussi. Le monde, l'été 46, c'était un an, le monde se remettait de la Deuxième Guerre mondiale aussi. Ça, il devait avoir ça aussi, l'aspect d'espoir aussi, là. Oui, tout à fait. C'est vraiment, et c'est une saison d'effervescence pour le sport. Partout, il y a des nouvelles. Il y avait plusieurs ligues qui avaient arrêté pendant la guerre. Ouais. Là, il y a des ligues qui recommencent. Et puis, juste sur le point du point de vue montréalais, cette année-là, vous avez les Canadiens qui gagnent la Coupe Stanley, les Royaux, donc, qui ont cette saison extraordinaire-là, qui remportent tout sur leur passage. Vous avez la création des Alouettes de Montréal. Mmh. Tout ça arrive en 1946. En plus, on se retrouve avec deux joueurs afro-américains qui ont joué brièvement avec les Royaux, qui passent la majeure partie de la saison à Trois-Rivières, qui vont faire gagner le championnat de la Ligue à Trois-Rivières. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde du sport cette année-là. C'est vraiment là. Moi, en tant qu'amateur de sport, j'ai travaillé beaucoup dans les journaux de l'époque pour écrire le livre. J'avoue que je regardais tout le programme. Presque à tous les jours, il y a un différent événement sportif qui se passe à Montréal. Ça devait être la même chose là, ailleurs en province. J'aurais aimé ça vivre une année sportive comme ça. On aurait pas aimé que les Canadiens se mettent sur la dent. Dites-moi, M. Dugas, si on parlait un peu de le legs qu'a laissé Jackie Robinson à Montréal. Est-ce que vous diriez que c'est à partir de ce moment-là que Montréal a été vraiment reconnu comme une ville de baseball? Tu sais, on dit souvent que Montréal, c'est un passé de baseball, c'est pas juste les expos, mais l'arrivée de Jackie Robinson, c'était le début d'une grande histoire d'amour entre le baseball et Montréal, et entre les fans de baseball et Montréal. Je dirais que ça a coïncidé avec le début de vraiment la grosse période des Royaux. Parce que bon, les Royaux, au départ, commencent à la fin des années 1800. Mais ça a été une équipe assez médiocre pendant ces premières années-là. C'est vraiment à partir du moment où ils deviennent un club-école des Dodgers de Brooklyn à la fin des années 30, où là, l'équipe commence à avoir du succès. Et à partir, je vous dirais, de 1946, là, ils gagnent leur première série mondiale. Et la période de 46 jusqu'au départ des Royaux en 1960, là, c'est championnat après championnat après championnat. Puis les Montréalais ont pu voir jouer Jackie Robinson, Roy Campanella, Roberto Clemente, Duke Snider, Tommy Lasorda. Donc, oui, c'est vraiment l'âge d'or là des Royaux qui commence avec la saison 1946. Et évidemment que ça, les gens ont remarqué les foules qui venaient pour assister à des matchs à Montréal. Il pouvait y avoir des fois jusqu'à 25 000 personnes au stade de Laurier qui contenaient pas 25 000 personnes pour les matchs. Donc, évidemment, là, le fait que toute l'Amérique suivait ce qui se passait avec cette première équipe-là où on avait des Noirs et des Blancs sur le même terrain, ça a mis Montréal sur la map du baseball. Ça, il n'y a pas de doute. OK. Ben merci beaucoup. On va lire ça. C'est aux éditions Tubi. Ça doit être arrivé actuellement. Un page de quoi? Environ 300 pages à peu près? C'est 200 pages. 200 pages, OK. Très, très belle histoire, évidemment, sur l'été 1946 de Jackie Robinson aux éditions Tubi, écrit par Marcel Dugas. Bonne vente, M. Dugas, puis on a plaisir de se reparler. Merci beaucoup. Marcel Dugas qui a écrit un livre sur l'histoire de Jackie Robinson et son passage à Montréal à l'été 1946.